Que ça bave, que ça coule. Ah ah ah ah. Ouh, que c'est humide ce matin. Ouh, que ça condense bien. Ouh, dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ce froid-là? Il a neigé hier soir bien. Ha ha ha ha ha! Thank you.